Chapitre 41. Le non-espace. Le gaze électrique. L'Ournadi considéra le sabre laser du Jedi. Il était plutôt élégant. Mais le simple fait de tenir ce genre d'instrument la rendait nerveuse. Tout le monde les disait magiques. « J'ai une épée magique dans la main », pensa-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe, bon sang ?»« Donne-le-moi », dit Mark Yonro en tendant la main. Elle le lui remit, soulagée de s'en débarrasser. Mark Yon l'examina à son tour, puis commença à s'en servir pour tapoter son masque au niveau de l'œil central. Toc, toc. « Tu veux vraiment faire ça ?» demanda Lourna. « S'il s'allume, tu sais, il ne s'allumera pas. » Toc. Il se trouvait à bord d'une des soutes du gaze électrique où Lourna avait fait conduire le dernier des Blight ainsi que le Jedi capturé. Elle n'avait pas saisi leur nom. Le gaz les avait assommés tous les deux et ils restaient endormis, ce qui n'était guère surprenant. Elle n'avait pas voulu prendre de risque avec la magie des Jedi et leur avait donc administré une seconde dose en revenant d'Elfrona. « C'est comme ça qu'il fonctionne », expliqua Mark Yon en brandissant le manche. Un petit geste du doigt et le faisceau se déploya en sifflant, projetant des ombres dorées dans la soute. Il fendit l'air à plusieurs reprises, comme pour expérimenter la lame, découvrir les sensations qu'elle procurait, écouter le vrombissement grave qu'elle émettait. « Je vais le garder », déclara-t-il. L'Ournadi recula involontairement d'un pas, et se détesta un peu pour avoir eu cette réaction. Mark Yonro n'était pas un Jedi. Elle ne savait plus vraiment qui il était ces temps-ci du reste. Il avait toujours disposé d'un avantage, mais au moins savait-il rester à sa place. Il était l'œil, rien de plus. Mais à présent, c'était terminé. Il manifestait une assurance inédite, particulièrement troublante. Comme s'il avait changé, évolué. Comme s'il était devenu quelque chose de plus grand qu'auparavant. À moins, comme elle commençait à le soupçonner, qu'il n'ait toujours été le même, mais qu'il ait simplement décidé de cacher sa vraie nature à elle comme aux autres maîtres tempêtes. Mais ils le savaient tous, pas vrai? Au fond d'eux, ils le savaient. Mark Yonro était un prédateur. Il pivota et effectua des moulinets plus rapides, de grands gestes meurtriers. Lourna recula de nouveau. Peu lui importait qu'il la prenne pour une lâche. S'il lui échappait des doigts, ce truc pouvait la couper en deux comme un rien. « La tempête de Kassav est tombée dans un piège tendu par la République, Lourna dit, » annonça Mark Yonro. « Une immense flotte. Tragique. Ils sont tous morts. Qu'en penses-tu ? « Au sujet de Kassav ?»« Oui. » Nouveau coup de sabre. L'Ournadi ne répondit pas avant un long moment. « Ce que j'en pense, c'est que ton espion au bureau du sénateur Nour t'a dit que la République connaissait déjà le lieu où tu as envoyé Kassav. Je crois que tu savais que leur flotte l'y attendrait, et que tu les as envoyés à la mort, lui et sa tempête. Ce que je pense, c'est que tu viens de tuer un tiers des Nihils. » Mark Yonro cessa ses mouvements, terminant sa dernière courbe de sorte que le sabre laser pointe droit sur elle. « eh bien, Lourna, plus futée que je ne l'aurais pensé. La question est, que vas-tu faire à présent ?» Toute l'attention de l'Ournadi se focalisait sur la pointe du sabre laser qui bourdonnait à quelques centimètres de son visage. « Tu pourrais partir, j'imagine. » reprit Mark Yon. Mais la République dispose de toutes les données sur ton bel appareil, le signal de son transpondeur et tout le reste. Il te faudrait l'abandonner alors que tu lui as donné ton propre nom. Douloureux, je parie. Il fallut un moment à la Twi'lek pour comprendre ce qu'il entendait exactement par là. Elle leva les yeux pour le dévisager, malgré son masque décoré du symbole d'un ouragan. Elle savait que derrière il souriait. Elle l'entendait dans sa voix. « La mission de l'enregistreur de données de vol, » dit-elle. tu as donné à la République les informations concernant mon vaisseau. C'est comme ça qu'ils m'ont trouvé et qu'ils ont pu m'attaquer. Techniquement, c'est Johnny Wataro qui leur a transmise. Mais elle les tenait de moi. Tu voulais que j'échoue. Pourquoi Markion ? La République avait besoin de l'enregistreur pour savoir où envoyer sa flotte afin de nous chercher. Sans cela, je n'aurais pas pu sacrifier la tempête de Kassav. À présent, ils vont croire qu'ils nous ont détruits. Ils vont se détendre. Ils vont cesser de nous pourchasser. L'Ournadi se fichait bien que Kassav fût mort. Cela ne l'affectait pas du tout. Mais l'audace de ce que Markion Roux venait de faire, envoyer le tiers de l'organisation à la mort comme si de rien n'était, qui était-il au juste? Tu crois que ça va marcher? Demanda-t-elle en reportant son regard sur la lame du sabre laser. Peut-être qu'en faisant un bond en arrière, elle pourrait dégainer son blaster à temps. Peut-être. Ah oui, l'Ournadi. J'ai tout prévu. Il désactiva l'arme et la Twi'lek prononça une prière de remerciement muette. Il pouvait la rallumer, certes. Elle se savait toujours en danger, mais elle venait de comprendre qu'elle l'avait toujours été depuis le moment où Markion Roux et son père aussi, du reste, avaient approché les Nihil. « Nous sommes tous la République, » cracha-t-il, cynique. « Que nous le voulions ou non, pas vrai ?» Il la regarda et l'œil de son masque parut briller. « Je ne t'ai jamais beaucoup parlé de ma famille, et je doute de le faire un jour, mais je souhaite échapper à mes origines. » Ce vaisseau en faisait partie, en fait, jusqu'à ce que la situation tourne court. Mon père et moi avons réussi à nous enfuir. Nous n'avons pas ménagé nos efforts, et nous avions un plan pour les sentiers, pour les Nihils, pour toutes sortes de choses. Il désigna son propre masque. Tout était joué d'avance, depuis le jour de ma naissance. Je pensais m'en être libéré, mais non, pas vraiment. L'Ournadi secoua la tête. Elle ne... Je ne comprends pas pourquoi tu m'as envoyé chercher l'enregistreur de données de vol, Markion. Si tu voulais que la République s'en empare, pourquoi devais-je courir après? Pour que ta tempête te voie échouer, l'Ournadi, et commence à envisager un nouveau dirigeant. Mais aussi... pour que tu n'aies nulle part où aller. Je vais avoir besoin de toi, je crois. Pourquoi faire ? Markion Roux pencha la tête sur le côté et elle sut qu'il souriait de nouveau. Tu verras bien, dit-il. Il fallait qu'elle s'échappe pour réfléchir. Elle avait l'impression que Markion venait de l'enfermer dans une boîte dont elle n'arrivait pas vraiment à comprendre la forme. C'était comme le grand hall. Des murs invisibles, mais bel et bien présents. Écoute, Markion, je vais retourner auprès des miens. Ils ont des questions. Ils veulent savoir, par exemple, pourquoi tu as envoyé toute ma tempête secourir quelques foudres et un nuage. Tu trouves pas que c'était un peu exagéré, non? Elle pointa du pouce le fermier, l'homme qu'ils avaient capturé, dernier membre de la famille que le nuage de Dent avait enlevé. Cheville et poignet menottés, il était adossé à une caisse dans la soute mais n'avait toujours pas repris connaissance. J'ai l'impression que c'est en rapport avec ce type. D'accord. Peu importe. Tu n'as pas besoin de m'expliquer ce qui le rend si précieux. Tu peux même gérer la demande de rançon si ça te chante. Je me fiche bien de la loi des trois. Tu peux tout garder. Peut-être que tu peux juste me refiler une partie des bénéfices pour que je les distribue aux miens. Markion Roux arpentait la soute, le bruit de ses bottes se répercutant sur les cloisons de duracier. « Cet homme !» dit-il en regardant Otto Blight. Il dégaina de nouveau le sabre laser, l'activa et l'abattit dans le même mouvement. Le faisceau doré trancha le prisonnier en deux, le tuant sur le coup. Une odeur désagréable envahit la soute. Bien que désireuse de s'éloigner de cette puanteur étrange aussi vite que possible, l'Ournadi resta figée. Markion Roux a perdu la tête, pensa-t-elle. Il est complètement fou. Je ne m'intéresse pas à ce type, dit-il. Je ne m'y suis jamais intéressé. Mark Yonro décala son sabre, orientant la lame à 1 mètre environ sur la gauche, vers l'autre prisonnier que l'Ournadi avait récupéré dans le vaisseau au-dessus d'Elfrona. Le propriétaire de l'arme dont Mark Yon venait de se servir pour assassiner quelqu'un. Le Jedi Twi'lek à la peau sombre. On l'avait ligoté plus solidement encore que Blight. Des liens triples, des chaînes, des modules paralysants et un bâillon. Elle en était ravie parce que le regard de cet homme n'avait rien d'amical. Elle avait entendu parler des Jedi comme tout le monde. Elle n'aurait su démêler le vrai du faux dans ses récits, mais elle savait du moins qu'un élément était erroné. De toute évidence, les yeux des Jedi n'émettaient pas de rayons mortels, parce que dans le cas contraire, Mark Yonro aurait été raide mort. Elle n'arrivait pas à croire que Mark Yon avait pris l'arme de cet homme pour tuer quelqu'un d'autre sous ses yeux. C'était à croire qu'il voulait jouer avec le feu. Même avec un Jedi bien ligoté, on ne savait jamais de quoi ils étaient capables. « Je n'ai pas octroyé des sentiers à ton équipe pour que tu me ramènes une famille de mineurs, » Lourna dit. « Je l'ai fait parce que cette planète abrite un avant-poste Jedi. Je me suis dit qu'il y avait une chance, aussi minime soit-elle, que tu parviennes à me ramener un Jedi. Alors pourquoi pas ? Et, oh surprise, voilà que j'en ai un. Ce qui est une bonne chose, parce qu'un Jedi... » Il désactiva le sabre laser et l'accrocha bien en évidence à sa ceinture. « C'est précisément ce dont j'ai besoin.